suggestionne. Faut d'interférence, ça résonne. Capuché, moteur P6. Simple Laurent, bougie, j'hésite. Y'a trop de faux amis qui profitent. J'suis distante quand ça va être. Toi et moi, j'te dis c'est bon, mais des problèmes de connexion. Y'a des problèmes de connexion. Toi et moi, j'te dis c'est bon, mais des problèmes de connexion. Y'a des problèmes de connexion. Je dis neuf, t'es pas qu'une, on a ta fait tourner la tête. Faisant une note qui te console. Parle pas de tes ex, se font l'épaule. Les pavures, tu les collectionnes. Capuché, moteur P6. Saint Laurent, bougie, j'hésite. Y'a trop de faux amis qui profitent. J'suis distante quand ça va être. Toi et moi, j'te dis c'est bon, mais des problèmes de connexion. Y'a des problèmes de connexion. Toi et moi, j'te dis c'est bon, mais des problèmes. Y'a des problèmes de connexion. Je dis neuf, t'es pas clean. Moula t'as fait tourner la tête. Moula t'as fait tourner la tête. Je dis neuf, t'es pas clean. Moula t'as fait tourner la tête. Moula t'as fait tourner la tête. Toi et moi, je te dis c'est bon. Y'a des problèmes de connexion. Y'a des problèmes de connexion. Y'a des problèmes de connexion. Toi et moi, je te dis c'est bon. Y'a des problèmes de connexion. Y'a des problèmes de connexion. Y'a des problèmes de connexion. Je dis neuf, t'es pas clean. Moula t'as fait tourner la tête. Moula t'as fait tourner la tête. Je fais du neuf, t'es pas clean. Moula t'as fait tourner la tête.